j'écoute pas. Si c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. J'écoute pas. Si c'est pas Cayenne, si c'est pas Cayenne, j'écoute pas. Hola a todos, vous êtes toujours sur Radio Cayenne, si vous avez toujours pas compris. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite chronique qui s'appelle « Du viandard au végétarisme ». Alors ça y est, il a peut-être mis du temps à arriver, mais force est de constater que l'été, il est bien là. Personnellement, j'aime bien l'été. L'esprit de vacances et le soleil. C'est aussi la saison des barbecues. Samedi soir, des connaissances en organisaient un. Donc je me suis dit que j'y irais avec des chips et quelques bières. J'ai donc passé ma soirée à manger des chips et du pain. Pour la simple et unique raison que je suis végétarien. Certes, j'aurais pu ramener d'autres nourritures végétariennes. Mais je ne sais pas pourquoi, naïvement, je pensais que d'autres personnes en ramenaient aussi. Au lieu de cela, il n'y avait que des chips, du pain et des montagnes de viande. Le lendemain, en cherchant un sujet pour cette énième émission de Radio Cayenne, un copain qui était aussi au barbecue m'a fait voir un documentaire. Leur credo étant « prélever, mais pas tuer ». Il partit du principe que, en ôtant un membre d'un animal et en y mettant une prothèse à la place, on ne ferait pas de mal aux animaux. Ils allaient même plus loin en affirmant que, même amputé, l'animal serait heureux. Lol. Pendant tout le documentaire, on entend des hommes et des femmes se glorifier d'avoir enfin trouvé la solution pour manger de la viande sans faire de mal aux animaux. Des végétariens, des végétariennes se remettent à manger de la viande en n'ayant plus de scrupules. Heureusement, il y a aussi L214 qui rappelle les bases du véganisme et qui met un point d'honneur à rappeler que les animaux sont des êtres vivants et qu'on n'a pas le droit de tuer ou même amputer un animal pour le manger. Si aujourd'hui je suis végétarien, je ne l'ai pas toujours été. Je ne me définis pas comme un surhomme valant plus qu'une personne mangeant de la viande. Mon intention n'est pas d'interdire à des personnes de manger de la viande. En vérité, chacun fait ce qu'il veut. Simplement, je me suis rendu compte qu'on en mangeait beaucoup trop et qu'au final, on pouvait très bien s'en passer. Il y a quelques années, si une personne m'avait dit que je deviendrais végé, je lui aurais ri au nez. Car comme beaucoup de monde, je n'arrivais pas à m'imaginer ne pas en manger. J'ai commencé par réduire le repas avec viande pour au final ne plus en manger du tout. Un peu comme un sevrage, un peu comme une drogue. Aujourd'hui, quand j'en vois, j'ai même plus envie d'en manger. Ça me laisse indifférent. Pour en revenir au documentaire, en fait, rassurez-vous, c'est un fake. Néanmoins, il a le mérite de questionner les rapports entre l'humanité et les animaux. Les adorateurs de viande disent souvent que oui, on en mange peut-être un peu trop, mais eux, c'est pas pareil. Parce que eux, c'est un animal tué hors abattoir. Ça change pas tant de choses que ça, au fait. Avec ou sans abattoir, ça reste un animal qu'on a estimé légitime à être tué pour qu'on puisse le manger. À ce fameux barbecue samedi soir, où tout le monde se serait sans doute proclamé anti-système, il n'y avait uniquement de la viande d'abattoir. Alors les potos, c'est comme ça que vous changez le monde? Bah elle est belle la révolution. Heureusement, j'ai aussi vécu d'autres barbecues, notamment à mon anniversaire, où il y avait des courgettes délicieuses. La viande sur la table, la viande par terre, la viande sur les étals, la viande sous la pluie, la viande étalée, couverte de mouches. manger d'asticots. La viande fraîche comme une rose, la viande des hommes, des femmes, la viande des grisons, la viande malade de la mort, la viande saoule, la viande bleue, la viande rouge, s'il vous plaît. Dans les restaurants américains, allemands, français, anglais, évaporés dans les restaurants thaïlandais, grecs, égyptiens, mauritaniens, sénégalais. La viande qui pue et qui fait mal, qui renforce la viande partout sur la terre. La viande sur pâte, la viande, qu'est-ce que c'est? La pénurie de viande, la viande fleurie, la viande faisandée, épicée. La viande qui saigne et qui pleure, la viande qui rit sous les hommages des archiducs et des imams, des moines dodus, des friandes femmes du monde, des hommes des cavernes illuminées. La viande. Pendant que je vise encore ce qui s'effrite. On lutte avec les temps et quand l'instru se barre, on truc avec prestance, sans secrète, serpentard et vis large, m'éternise, éternil, bit gamer assaillie. Pendant que je vise encore ce qui s'effrite. Rico flamme 2, l'ultime combat, leur pire respire, j'avance mon pion vers ton roi. Bloqué par mon couche, cours à ta perte, couche-toi, couche-toi, bouge. Vite de là, évite mes pics de larmes, de j'm'encrage à l'ego où tu dis de moi. Tout m'en sert pour que les flammes crépitent, des larmes vides tombent et s'éclipsent. Alors salut Cayenne, je vais vous lire une petite brochure, un petit texte que je trouve vachement chouette d'un type qui s'appelle Yves Bonnardel. C'est extrait d'une brochure collective qui est sortie en 1989 et qui s'appelle « Nous ne mangeons pas de viande pour ne pas tuer d'animaux ». Le texte en lui-même, ça s'appelle « L'animal, l'homme, la nature, la société et moi dans tout ça ». La nature est perçue le plus souvent comme une harmonie, une complémentarité de relations entre les règnes minéraux, animaux et végétaux. Les gens se la représentent comme un système où tout a une place bien définie. Chaque chose, chaque être a une fonction dans ce grand tout, n'existe que pour et par ce grand tout. Ils ne voient pas la nature comme un fabuleux désordre, comme la terre comme un gros tas de cailloux peuplés d'êtres vivants qui, en tant qu'individus, vivent pour eux-mêmes. Non, ils la voient comme une mécanique huilée au fonctionnement déclaré a priori harmonieux, dont les 10 êtres vivants, tout comme les objets inanimés, ne sont que les rouages, nécessaires certes, mais sans importance propre. C'est cette mécanique qui leur importe, c'est d'elle, de la nature, qu'ils se préoccupent lorsqu'ils parlent d'équilibre écologique. Ce qu'ils appellent nature n'est que la représentation qu'ils se font de la nature, le milieu qui les environne, à laquelle ils reconnaissent une volonté, une intention. La nature nous a créés pour... et des lois naturelles auxquelles se soumettre. La sélection naturelle pour les darwinistes sociaux, l'entraide et la symbiose pour les tenants de l'écologie sociale. On n'est pas là pour faire du buzz, hein, on peut tracher Bookchin, mais là n'est pas le propos. Ils font de la nature réalité, la nature idée, nature religion. De la même façon que pour de nombreux mystiques, l'univers devient le cosmos et la Terre, notre mère la Terre. Le cosmos ou la nature deviennent ainsi de ces êtres vivants monstrueux qui n'existent que dans l'imagination de leur créateur humain. Et la nature est posée, elle est posée à l'égal d'un dieu, elle est sacralisée. Elle est dite immuable, ses lois sont devenues règles d'or qu'il faut respecter. Elle est idolâtrée et surtout utilisée. Le mot naturel est employé dans la pub pour sa charge émotionnelle positive. La chaleur naturelle du bois, la chasse, c'est naturel. Et pour la même raison, est utilisé par beaucoup de mystiques. Et le label naturel sert à légitimer toute chose, notamment à propos du viandisme. Notre dentition est adaptée à une alimentation carnée, donc c'est naturel de manger de la viande, donc je ne vois pas où est le problème. On entend aussi fréquemment des phrases du genre « La nature est comme ça, les animaux se mangent entre eux, c'est naturel, nous aussi on est des animaux ». Je ne vois simplement pas pourquoi je poserais comme principe d'imiter systématiquement les autres animaux, humains compris, ni pourquoi les carnivores plutôt que les herbivores. Et je ne vois pas non plus en quoi le fait qu'elle soit naturelle rendrait la prédation charmante. De même que certains disent que Dieu a créé l'animal et l'homme, pour ceci et pour cela, d'autres, parfois les mêmes, affirment que la nature les a fait comme ci ou comme ça, pour ci ou pour ça. Ainsi, beaucoup diront qu'ils sont omnivores, la nature les a fait naître omnivores, qu'il s'agit là de leur être et semblent envisager comme une impossibilité ou une perversion de cesser de manger de la viande. Ce serait en quelque sorte contre nature, contre leur nature, à l'encontre de leur essence. Il s'agit là d'un renversement de logique fréquent. Il se trouve que les êtres humains peuvent manger de la viande comme ils peuvent ne pas en manger. Ils peuvent corporellement, physiquement, biologiquement. Comme pour bien d'autres choses, ils sont relativement indéterminés et ils ont un grand éventail de choix. Or, le retournement de logique dont je parle consiste à transformer une possibilité, une potentialité, en obligation, une liberté en une restriction de cette liberté. Je peux manger de tout devient « je dois manger de tout » ou « il faut que je mange de tout ». On retrouve le même processus lorsque des végétariens s'efforcent de se convaincre que manger de la viande ou des produits laitiers est une aberration au point de vue santé. Tout se passe comme si les humains, naturellement peu déterminés et par là même relativement adaptés à réagir à un large éventail de choix, à une situation donnée, se sentaient inadaptés à cette adaptation elle-même, insécurisés par leur liberté de choix et s'efforçaient alors de se restreindre artificiellement à cet éventail de choix, en se surdéterminant. En se donnant, en choisissant donc, une image d'eux-mêmes plus limitée qu'ils ne sont en réalité et en s'efforçant de coller au plus près de cette image. Mais le procédé permet en fait de choisir tel ou tel comportement dans une situation donnée, en se disant « il faut » ou « c'est ainsi » au lieu de « je choisis ». C'est en fait choisir tout de même, en se donnant l'illusion de ne pas choisir. Pour en revenir à l'idée de nature, il existe une conception mystique qui, pour être caricaturale, n'en exprime pas moins clairement ce qui reste souvent à formuler. Elle ne reconnaît même plus de réalité propre aux animaux non humains. Ce qui est l'aboutissement logique du système nature, à savoir que les individus animaux n'ont pas d'âme, traduction en langage non religieux, n'ont pas d'individualité, pas de réalité propre, et que c'est l'espèce en tant qu'ensemble des animaux qui la composent qui en a une. C'est l'espèce qui est détentrice de spécificité au regard des autres espèces, et non l'individu au regard des autres individus, de la même espèce ou non. C'est alors que l'espèce, avec un grand E, qui reprend à son compte la vie des individus la constituant, qui prend vie au détriment de ces individus. Elle est ainsi personnalisée. Elle qui n'a pas d'existence tangible, elle qui n'est qu'un concept. Mais cette interprétation, conception de la réalité, est aussi reprise par bien des scientistes, sous une forme scientiste. Ainsi, dans L'homme et la mort, Edgar Morin affirme que, que face à la mort, l'individu animal agit comme spécimen et manifeste dans ses réactions non pas une intelligence individuelle, mais une intelligence spécifique, c'est-à-dire propre à l'espèce, c'est-à-dire un instinct. Autrement dit, c'est l'espèce qui connaît la mort et non l'individu. Il explique ensuite que la douleur que peut, par exemple, causer au chien la mort de son maître par la domestication qui individualiserait l'animal. Il explique donc, sans jamais l'expliciter, que lorsqu'il semble vivre pour et par lui-même, ce n'est que parce qu'il est au contact de l'homme, l'être suprêmement individualisé. Ce ne sont que des lieux communs que l'on retrouve partout et à toutes les sauces, et qui signifient surtout la volonté générale de considérer les animaux comme aussi peu existants que possible. C'est banal, et cette vision des choses est bien omniprésente, ancrée en chacun de nous, même si elle est rarement clairement formulée. C'est aperçu, on ne peut plus clairement, récemment encore, lorsqu'un loup s'est fait abattre en Savoie. L'indignation générale ne se rapportait pas à la disparition d'un loup en tant qu'être vivant, qui ressent diverses choses, dont la douleur cuisante des balles, et aurait préféré sans doute vivre encore, mais à la disparition du dernier représentant de l'espèce loup, à la disparition d'une espèce, autrement dit, d'un organe de cet organisme qui est devenu la nature. C'est cette vision de la nature qui, comme la notion même de société, autorise la banale comparaison avec la fourmilière, ou plutôt avec la vision qu'ont les hommes sociétaires de la fourmilière. Coexistence harmonieuse et complémentaire de plusieurs sortes de fourmis, les ouvrières, les guerriers, la reine, la vie de chaque individu fourmi étant entièrement conditionnée par sa fonction et subordonnée à la vie de la fourmilière. Quel idéal ! Peu importe alors que l'on écrase une fourmi, une autre prendra la relève et la fourmilière ne s'en apercevra pas. Là encore, beaucoup soutiendront que la fourmi individu n'existe pas réellement, au même titre que les cellules de mon corps ne vivent pas pour elles-mêmes. Qu'en savons-nous ? Qu'en savons-nous que la fourmi ne s'arrête pas quelques instants par-ci par-là pour goûter le soleil, qu'elle n'agit pas aussi pour elle seule ? Ce que je pense, c'est que ni la fourmilière, ni la nature ne bougent, ne voient, ne ressentent le monde environnant, ni ne vivent, ni ne meurent. Qu'elles ne vivent pas au sens biologique. En tout cas, l'escamotage de l'individu animal au profit de l'idée de nature est bien réel et commun. Un ami ne traite pas ses arbres fruitiers, non pas pour ne pas tuer de petites bêtes, mais pour ne pas aller contre, sous-entendu, contre la nature, contre les lois naturelles, contre l'ordre des choses. Pareillement, il préfère chasser à l'arc qu'au fusil. La chasse, c'est naturel, et l'arc, c'est plus naturel que le fusil. On souffre peut-être plus et plus longtemps d'une blessure par flèche que par balle, mais la souffrance est hors de propos ici. Elle est du domaine du réel, alors que la notion de nature est une vue de l'esprit. Par ailleurs, les animaux peuvent aussi bénéficier de leur statut de rouage naturel. Les animaux sauvages acquièrent une sorte de droit à la vie du fait de leur appartenance à la nature, ce qui n'est évidemment pas le cas des machines à viande. L'opposition à la chasse est ainsi plus répandue qu'aux élevages en batterie. L'idée de nature, c'est-à-dire donc la représentation que nous avons habituellement du monde naturel qui nous entoure, est celle d'une époque et d'un lieu. C'est une représentation sociale qui a aussi une fonction sociale. Par exemple, très remarquable, elle ne comprend ni l'homme, ni ses réalisations qui sont du domaine de la société. L'homme est pourtant bien un animal et donc, bien comme tel, issu de la nature. Pourquoi les réalisations des hommes sont-elles alors déclarées artificielles et la digue que construit le castor naturelle ? Cette différence tient-elle à ce que l'homme crée ce qu'il réalise ? Mais les digues de castor se sont sans doute perfectionnées et adaptées au cours des âges. Lentement certes, mais ce n'est pas là une distinction fondamentale. Ou est-ce que l'homme transforme les matériaux ? Mais le castor coupe le bois, l'écorce, les lagues, le transporte et y agglomère d'autres matériaux. En quoi les molécules chimiques artificielles ne sont-elles pas naturelles? À partir de quand le préhominien et ses réalisations deviennent-ils artificiels? L'idée de nature rappelle celle du paradis chrétien, en ce qu'elle considère que l'homme, de par son intelligence, sa conscience de soi et ses capacités de choix, et plus généralement de par l'ensemble de ses vertus propres, serait sorti de la nature. Que ce soit en croquant une pomme ou en construisant des villes ou des institutions sociales, ne change pas grand-chose. Il s'agit bien là de la même idée farfelue que l'homme serait une sorte d'erreur dans l'ordre des choses, ou en tout cas une exception radicale, qu'il ne serait pas une chose, au contraire du reste de la création. Ce qui est farfelu ici n'est pas que de considérer les hommes comme plus que des choses, mais bien plutôt de ranger tout ce qui n'est pas humain dans un même paquet ordonné, un paquet de choses, et au-delà de ce simple aspect, de ranger, caser, étiqueter. C'est typiquement anthropocentrique. L'homme, c'est-à-dire tous les humains remisés eux aussi dans un même paquet appelé l'homme, a une place à part dans le monde. Il est infiniment différent par essence du reste du monde. Grâce à ce clivage naturel social, ou naturel artificiel, l'homme apparaît donc en dehors de la nature. Il vit en société, et l'animal vit dans la nature. L'homme appartient à la société, et l'animal appartient à la nature. Ils en font partie. En opposant société et nature, homme social et homme naturel, l'homme est posé en dehors de la nature et la différence entre l'homme et l'animal est créée. Elle est soigneusement entretenue dans tous les aspects de la vie. Il y a des droits de l'homme, il y a des droits de l'animal, comme il y a des droits de l'enfant et des droits de la femme. Dans la société aussi, chacun a sa place, sa fonction, ses droits, ses devoirs, son identité précisément définie. Par ailleurs, les notions de nature et de société s'étant créées sur les mêmes bases et sur le même modèle hiérarchique et statutaire que la fourmilière, à savoir la négation de la vie individuelle, les analogies sont sans équivoque. Nature, entité existant par elle-même, harmonieuse, au sein de laquelle les espèces, ou selon différents degrés d'abstraction, les différents règnes, écosystèmes, etc., sont complémentaires. Les individus qui composent ces espèces sont interchangeables et sans valeur au regard du système. Société. Entité existant par elle-même, harmonieuse ou qui devrait l'être, reposant sur les corps de métier, ou race, ou classe, ou autres, complémentaires, au sein desquels les individus ne sont que rouages interchangeables. La place dévolue aux individus animaux dans l'idée de nature correspond précisément à celle que se dévoluent eux-mêmes les humains dans celle de société. Et la notion de nature vient en renfort pour légitimer la notion de société et la réalité qui en découle. Tour à tour, et selon les besoins du moment, les deux notions s'opposent ou se superposent. Elles se superposent lorsque la société est donnée pour une transition de la nature au domaine de l'homme. Les deux notions étant basées sur les mêmes postulats, la comparaison est simple et montrer que l'organisation de la société est, ou devrait être, calquée sur celle de la nature n'est pas très difficile non plus. C'est le cas de tant des darwinistes sociaux que des tenants de l'écologie sociale, qui tous se réfèrent aux tendances naturelles, soit à la compétition, soit à l'entraide, pour édicter des modes d'organisation, des règles de vie, des morales. Et les deux notions s'opposent lorsque la société est conçue pour pallier aux insuffisances de la nature et à l'inadaptation de l'homme à la vie en société. Ainsi sont justifiés les tabous, les interdits, les lois et les morales sont là pour faire échec à l'agressivité de chacun, à la bestialité, contre nature, des relations homosexuelles ou d'inceste, et que sais-je encore. La société est censée alors jouer un rôle de régulation et de contrôle, et en transformant l'homme naturel en homme culturel ou social, est censée lui permettre de vivre à plusieurs, c'est-à-dire en société, puisque les mots sont piégés. Aujourd'hui revient souvent le mot d'ordre « vivre en harmonie avec la nature », qui, selon ce sont des écolos, des gens de gauche ou de droite, des anards ou autres qui l'utilisent, a des sous-entendus idéologiques sensiblement différents. Mais dans tous les cas, il s'agira plus ou moins formellement de renoncer à l'exploitation destructive de la nature, vie, paysage, ressources diverses mêlées. Il s'agit en fait de gérer le monde de façon responsable, rationnelle, économe ou efficace, selon les valeurs sur lesquelles on veut mettre l'accent. C'est ménager son cheval pour aller plus loin, c'est ne pas tuer les esclaves à la tâche, parce qu'on en a besoin. C'est ne pas causer la mort des espèces, ni la rupture des équilibres écologiques traditionnels, pour mieux exploiter et tirer profit des vies animales et végétales. Il est possible que cette attitude vis-à-vis de la nature soit, dans ses conséquences, génératrice de moindres souffrances. Mais elle reste toujours lourde de mépris envers les êtres vivants et s'intègre parfaitement dans une logique anthropocentrique de rationalisation de l'exploitation et de l'oppression de la vie. Car encore une fois, ce que beaucoup élèvent au rang de réalité primordiale, qu'il s'agisse de la nature ou autre, ne sont que des créations de leur pensée, des abstractions réductrices du réel, de purs concepts, mais auxquels on donne vie et substance aux dépens de la réalité. Ces constructions intellectuelles sont bien utiles. En moi, la plupart des gens voient un homme représentant de l'humanité, ou à un autre niveau, une femme représentante de la féminité, ou un enfant représentant de l'enfance. Ils voient en moi quelque chose et du coup, ne me voient plus moi, si ce n'est que par l'intermédiaire de cette chose, de ce statut. Et le loup qui se fait descendre, ils ne le conçoivent pas non plus en chair et en os, réel, mais bien plutôt comme un loup, seulement un loup, une abstraction, un représentant de l'espèce des loups. La perte de vue de la singularité des individus animaux et humains au profit de globalités mystiques est la base première de leur exploitation. C'est le même principe qui subordonne les individus au bien de la société, rebaptisé pour l'occasion bien commun, et qui subordonne les vies animales ou végétales au bon fonctionnement des écosystèmes, fonction régulatrice de la chasse par exemple. Les animaux et autres ne vivent alors plus pour eux-mêmes, pour leur propre profit, animés par leur propre motivation, mais deviennent les instruments d'un ordre qui leur est supérieur. Pour peu qu'on le respecte, il suffira alors de ne pas endommager cet ordre. Ainsi se trouvent, non pas seulement oubliés, mais niés dans leur importance en soi, les vies, les sensations ou sentiments. Avec une telle conception des choses, il devient alors plus facile, puisqu'en parfait aveugle, de tuer, torturer, encager. Some strike without warning. Others move at blinding speed. A special tactic that makes it a prime predator. So watch out. Prime predator. Predator.